tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'1,5 kg d'orange à dessert à seulement 1,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, soit 1€ le kilo, calibre 7-8, variété Navlin, catégorie 1, origine Espagne. Modalité sur intermarché.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute la semaine, le cours de l'histoire s'intéresse au handicap, le handicap. Une histoire, et aujourd'hui particulièrement à cette notion de handicap au moment des guerres mondiales. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Handicap et guerre mondiale, de la réparation à l'extermination douce. Quand il est question de handicap et de guerre, nous pensons aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale ou aux victimes de la barbarie nazie pour la Seconde Guerre mondiale. Et pour la France, une inscription sur le parvis des droits de l'homme indique « Ici, le 10 décembre 2016, la nation a rendu hommage aux 300 000 victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale en France ». 45 000 d'entre elles, fragilisées par la maladie mentale ou le handicap et gravement négligées, sont mortes de dénutrition dans les établissements qui les accueillaient. Leur mémoire nous appelle à construire une société toujours plus respectueuse des droits humains qui veille fraternellement sur chacun des siens. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, que soient mentionnées les personnes fragilisées par la maladie mentale ou par le handicap est le fruit d'une longue histoire. Isabelle von Bueltzing-Sloven, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quels sont les faits lorsque l'on évoque la situation des personnes en situation de handicap mental en France durant la Seconde Guerre mondiale? Que savons-nous aujourd'hui? Que s'est-il passé? Alors, ce que nous savons, d'abord, c'est un chiffre hein, qu'il a fallu construire. Donc, 45 000 victimes de la faim dans les hôpitaux psychiatriques sous l'occupation, sachant que à l'époque, c'était le seul mode de prise en charge de la maladie mentale. Et ces 45 000 victimes, on n'a pas pu les compter une à une. Il s'agit du résultat d'un calcul de surmortalité. Donc, on a tous bien compris depuis la canicule de 2003 de quoi il retourne. Et puis, bon, actuellement, avec le Covid, on procède aussi à ce genre de calcul. Donc voilà, c'est une évaluation. 45 000 morts, c'est tout à fait considérable, même si, entre-temps, on sait qu'il y a aussi 50 000 victimes dans les hospices de vieillards pendant la même période, c'est-à-dire 1940 jusqu'à 1945. Voilà, on calcule ça sur 5 années. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, tous ces aliénés, comme on les appelait encore hein, jusqu'en 1952, sont tout simplement morts de faim, mais pas seulement, aussi de froid et de pathologies afférentes à la dénutrition. Hein, par exemple, il y a eu un rebond terrible de la tuberculose dans les hôpitaux psychiatriques. Isabelle von Bueltzing-Sloven, vous êtes professeure d'histoire contemporaine et de sociologie de la santé à l'Université Lyon 2. Vous êtes l'auteur de « Machines à instruire »,« Machines à guérir », »,« Les hôpitaux universitaires et la médicalisation de la société allemande 1730-1850 ». Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques sous l'occupation. Le mot est là, hein, c'est le mot de famine. Nous allons essayer de donner un peu de champ à cette question qui concerne quelques années, celle de la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir justement au regard porté sur les personnes en situation de handicap au XXe siècle, au moment des guerres particulièrement, Première, Seconde Guerre mondiale. Nous parlons de cette famine dans les hôpitaux. Oui, ce n'est pas une question qui était complètement ignorée. Archives de 1946. Eh bien messieurs, notre première question, si vous le voulez bien, sera la suivante. Pourquoi cet intérêt subit du grand public pour les malades mentaux en général et les fous en particulier? Docteur Daumaison. Eh bien, effectivement, toutes les fois que nous allons dans une collectivité quelconque, dans un milieu quelconque, et que le psychiatre paraît, une question lui est posée. Certainement, docteur, étant donné les événements que nous vivons, étant donné ceux surtout que nous avons vécu, le nombre des malades a dû augmenter dans des proportions considérables. En fait, il n'en est rien. Le nombre des malades mentaux hospitalisés a diminué dans des proportions considérables pendant toute la période d'hostilité. Il y a à cela deux raisons. L'une, c'est que de très nombreux malades sont morts de faim, et je pense que nous y reviendrons au cours de ce débat ultérieurement, l'un ou l'autre d'entre nous devra signaler la misère de nos malades pendant cette période. Mais il y a un autre fait très important et très intéressant, c'est que pas mal de sujets qui, en temps ordinaire, semble-t-il, seraient devenus des malades mentaux et auraient été internés en temps ordinaire, n'ont pas été internés pendant la guerre. Un extrait de l'émission Tribune de Paris en novembre 1946, où il est question, après la guerre, du nombre d'internés psychiatriques. Isabelle von Buell-Singsloven, dites-nous, c'était connu. Dès 1946, il était évoqué que des malades étaient morts de faim ou qu'on avait laissé des malades mourir de faim. Oui, c'était quelque chose qui a été dit et répété tout de suite après la guerre. Donc là, vous avez l'exemple de Georges Daumézon, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le nouveau président du syndicat des psychiatres français. Et les psychiatres de l'après-guerre se sont emparés de cette tragédie pour essayer de faire bouger les choses, c'est-à-dire de faire évoluer les hôpitaux psychiatriques dans le sens d'une plus grande humanisation, médicalisation aussi, et surtout pour affirmer qu'il faut absolument faire sortir les malades mentaux des hôpitaux et les prendre en charge dans d'autres structures plus proches de la société. Et justement, pour essayer de saisir ce qu'il s'est passé dans ces hôpitaux durant la Seconde Guerre mondiale, où 45 000 personnes sont mortes particulièrement de faim, ce qui est très intriguant dans l'histoire de la médecine, il faut avoir un regard sur le temps plus long, et notamment sur le regard porté sur les personnes en situation de handicap liées à la guerre. Clément Collard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes doctorant au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous préparez une thèse sur la rééducation et la réintégration professionnelle des mutilés de la Première Guerre mondiale en France. Vos directeurs ? Jean-François Chanet et Yann Rasmussen. Nous les saluons, il faut toujours citer ces directeurs de recherche. Clément Collard, en quoi la Première Guerre mondiale est importante pour saisir l'évolution du regard porté sur les personnes en situation de handicap, avec toujours cette question complexe? Le mot handicap couvre énormément de situations différentes. Oui, d'ailleurs, le terme de handicap, il n'est pas utilisé pendant la Première Guerre mondiale. On parle plutôt d'invalide ou de mutilé. Justement, on a un glissement de termes qui va des infirmes, des invalides, jusqu'aux mutilés. Car le terme de mutilé, il est plus populaire pendant la Première Guerre mondiale, car il signale immédiatement la cause de l'invalidité. C'est-à-dire qu'elle vient de la guerre, donc d'un événement plutôt glorieux qui a tendance à héroïser les individus qui en sont victimes. Et c'est une des raisons qui permet de changer le regard sur le handicap par rapport à ce qu'on connaissait au XIXe siècle. Mais la principale raison qui crée ce changement et qui crée notamment un nouveau rapport quant à la réintégration professionnelle, c'est ce qui m'intéresse au premier chef, c'est évidemment des raisons démographiques, puisque pour la première fois, on a une irruption, si je puis dire, dans la société française de plusieurs centaines de milliers d'invalides, en fonction des catégorisations qu'on prend. Mais si on prend la catégorisation juridique, c'est-à-dire ce qui est défini par la loi du 31 mars 1919 qui refonde le code des pensions militaires en France, on arrive dans l'entre-deux-guerres jusqu'à 1 million d'invalides qui sont pensionnés. Donc c'est absolument considérable et c'est ce qui oblige l'État et les politiques publiques à prendre en charge la réintégration de ces hommes. Avec l'image des gueules cassées qui est une évidence qui s'impose, mais il n'y a pas que les gueules cassées. Est-ce que le handicap lié aux problèmes mentaux est pris en compte au moment de se dire il faut faire en sorte qu'il y ait une rééducation, une réintégration des gens dans la société? Alors effectivement, les gueules cassées, c'est très minoritaire, hein, c'est 10 000 personnes, mais c'est vrai que ça frappe le regard. En ce qui concerne les handicapés mentaux, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi de 1919 qui définit les pensions, ce sont les seuls handicapés à faire l'objet d'un article en propre, l'article 55. Mais en ce qui concerne la rééducation professionnelle, et ça c'est quelque chose qui a été très bien montré dans un travail qui est la thèse de Marie Desrien, qui a été dirigée par votre invité, elle montre que la rééducation professionnelle prend assez peu en charge ces types d'handicapés. Moi, en ce qui me concerne, dans les institutions de rééducation professionnelle sur lesquelles je travaille, je vois assez peu intervenir ces blessés psychiques, comme on dit à l'époque, ou alors, s'ils apparaissent, c'est par incidence, c'est-à-dire qu'ils ont en plus un handicap physique, et on se rend compte, on prend conscience du fait qu'ils ont en plus un handicap mental. Et justement, ces personnes apparaissent évidemment aux yeux du corps médical, ils apparaissent tout simplement dans la société. T'es malade là, enfin les gars que tu soignes. Ce serait bien qu'ils fréquentent pas trop les jardins, tu comprends? Ils n'ont rien de contagieux. Non, mais ça effraie les convalescents, les familles, puis il y a tous ces simulateurs. Quoi. La guerre est terminée. Pourquoi simulerait-il? Pour les pensions. Alors, il paraît que tu vas leur obtenir le statut d'invalide de guerre. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. En 4 années de combat, combien de suicides, combien de désertions? Très peu. Une incroyable résistance. On leur doit la victoire. Sur les champs de bataille, ou ailleurs, on s'arrange avec ses peurs et son courage. C'est au retour que tout déborde. Combien d'hommes sans parole, sans mémoire? Leur blessure ne saigne pas. Un extrait du film Les Fragments d'Antonin de Gabriel Le Baumin en 2006. Isabelle von Buell-Singsloven, dites-nous en quoi il y a une médicalisation durant l'entre-deux-guerres de toutes ces questions liées au handicap. Alors, c'est vrai qu'on parle alors d'attardé, le mot débile apparaît. Ce n'est pas du tout le champ lexical que nous utilisons aujourd'hui. Non, effectivement, le champ lexical a complètement changé. Alors déjà, on ne parle pas de handicap hein, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est un terme qui n'apparaît jamais. En revanche, le terme d'aliéné, qui est le terme administratif, hein, qui apparaît dans la loi de 1838 qui régit les hôpitaux psychiatriques, est encore très couramment utilisé. Bon, sinon, on dit aussi malade mental, effectivement, déjà. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut savoir que les combattants de la Première Guerre mondiale ont été nombreux à être internés dans des hôpitaux psychiatriques, soit pendant la Première Guerre mondiale, soit dans l'entre-deux-guerres. Et ce sont ces soldats-là qui sont encore relativement jeunes, en 1940, qui meurent massivement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui meurent de faim, tout simplement parce que ce sont des malades chroniques qui sont là parfois depuis une décennie, voire deux décennies, et qui sont particulièrement vulnérables. Donc ça, c'est peut-être intéressant aussi à noter pour faire la continuité avec ce qui a été dit avant. Oui, avec cette réflexion autour de, j'utilise le mot handicap, hein, pour être clair, de handicap oui. Mental, de handicap psychique, il y a cette réflexion du corps médical sur différents types, comme une classification des malades. Oui, effectivement, hein, il y a une classification des malades qui change d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. On trouve toutes sortes hein, de pathologies dans les hôpitaux psychiatriques. Alors beaucoup d'alcooliques, alors de délirium très mince, etc., etc. Enfin des gens qui peuvent plus effectivement vivre seuls à l'extérieur de l'hôpital. On trouve aussi ce qu'on appelle des paralytiques généraux, qui sont en fait des syphilitiques. On trouve probablement aussi beaucoup d'individus qui finalement sont surtout incapables de vivre seuls en interaction avec d'autres sans avoir des troubles extrêmement marqués. Ils sont simplement un peu oubliés là. Ils sont... Et puis sinon, bah, vous trouvez évidemment toutes les maladies mentales classiques type la schizophrénie. Voilà, parce que l'entre-deux-guerres est peuplé de ces figures, des figures du quotidien que l'on peut croiser, qui sont les gueules cassées, je dis le mot, parce que tout de suite l'image apparaît, alors que d'autres sont exclus de la société. Oui, ce sont les malades mentaux exclus de la société, les mutilés, eux, on peut les voir, et notamment, on peut les croiser, justement, en chanson et en poésie. Prête-moi ton bras pour remplacer ma jambe. Les rats me l'ont mangé. À Verdun, à Verdun, à Verdun, à Verdun. J'ai mangé beaucoup de rats, mais ils ne m'ont pas rendu ma jambe. C'est pour cela qu'on m'a donné la croix de guerre. Et une jambe de bois, et une jambe de bois, et une jambe de bois, et une jambe de bois. La petite chanson des mutilés, un poème de Benjamin Perret, poète surréaliste, et qui est reprise ici par Christophe Perche dans le cours de l'histoire sur France Culture, réalisé par Marie Placé avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Justement, Clément Collard, il y a des distinctions évidentes à faire sur la prise en charge des personnes victimes de handicap, au sens où certains sont réparables, nous entendons parler de la prothèse, la jambe de bois, et d'autres où eh bien, il faut plutôt les exclure de la société. Alors, les exclure, c'est peut-être un mot un peu fort. En ce qui concerne effectivement cette catégorisation, les mutilés de la guerre ne sont pas égaux, évidemment, face à la réintégration sociale et à la réintégration professionnelle. Donc, pour aller vite, notamment, les amputés des jambes sont beaucoup plus faciles à réintégrer au travail que ne le sont les amputés des bras, notamment pour tous les travaux manuels. Mais effectivement, il y a des efforts qui sont faits à travers les institutions de rééducation professionnelle, et il y a effectivement une profusion technologique qui naît à l'occasion de la Première Guerre mondiale, avec le développement de ce qu'on appelle l'appareillage, donc des mains de travail notamment. Et ça, on a quantité de sources, y compris filmiques, qui permettent de témoigner de ce progrès technologique avec des mutilés que l'on voit changer même d'outils en fonction du travail qu'ils sont en train de faire, en particulier dans les travaux agricoles, et où on voit des prouesses effectivement avec des amputés des bras qui sont capables de faucher leur champ sans trop de problèmes. Oui. Alors, si l'on pense aux malades mentaux, aux aliénés, je reprends les termes de cet entre-deux-guerres, Isabelle Van Bell-Tingsleven, j'ai dit un peu les exclure dans cette réflexion sur ce qu'est l'hôpital. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot est trop fort, peut-être, d'exclure, mais quelle est leur place dans la société à ceux qu'il est difficile de réintégrer? Alors, je pense qu'il y a un décalage chronologique très important par rapport aux mutilés de guerre. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que l'hôpital psychiatrique est le seul lieu de prise en charge de la maladie mentale. Et donc, la perspective d'une réinsertion dans la société, elle commence seulement à être pensée dans l'entre-deux-guerres, mais elle le sera surtout après la Seconde Guerre mondiale et en lien avec le drame de la famine. Donc là, vraiment, il faut souligner ce décalage-là. Par contre, pendant les années de guerre, pour sauver leurs malades, un certain nombre de psychiatres multiplient ce qu'on appelle les sorties d'essai. Autrement dit, ils laissent sortir leurs malades. À l'essai, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, ils reconsidèrent en principe leur situation et leur faculté d'adaptation, mais en réalité, ils les laissent véritablement sortir. Voilà. Oui. Et ça, c'est peut-être un des premiers... une des premières tentatives pour vraiment essayer de passer le mur des hôpitaux psychiatriques. Handicap et guerre mondiale, de la réparation à l'extermination douce, dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est la question aujourd'hui autour de cet épisode extrêmement sombre durant la Seconde Guerre mondiale, quand 45 000 personnes sont laissées à l'abandon, meurent de faim principalement, et nous cherchons à comprendre comment nous avons pu en arriver là. Isabelle Van Bell-Tingsleven, est-ce que il était imaginable durant l'entre-deux-guerres, d'abandonner des personnes handicapées? Je le dis autrement, y avait-il déjà une réflexion en disant « ces gens-là ne sont pas utiles à la société » ? Oui, bien sûr, il y avait des courants eugénistes en France comme ailleurs, plutôt moins en France qu'ailleurs d'ailleurs. Je ne pense pas que ces malades ont véritablement été abandonnés à la mort. Bon, il y a eu tout un concours de circonstances liées aux très très sévères pénuries qui régnaient en France, et on a vraiment parlé d'une crise alimentaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce serait un peu long d'expliquer à quoi elle est due, mais toujours est-il que les hôpitaux psychiatriques ont vu leur système d'approvisionnement alimentaire se dérégler dès les premières semaines de la guerre, donc dès le printemps 40. Et il a fallu réorganiser totalement ce système-là. De même, il a fallu développer les cultures des fermes qui se trouvaient dans les hôpitaux psychiatriques. Et la question a été aussi de donner des suppléments de rations aux hôpitaux psychiatriques, ce qui est intervenu en décembre 42. C'est-à-dire qu'en décembre 42, les autorités ont vraiment pris conscience de la situation et ont octroyé des suppléments alimentaires donc aux hôpitaux psychiatriques, ce qui a permis d'améliorer beaucoup la situation. Les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire ont bien compris que la question qui se pose est « Était-ce volontaire de laisser ces gens mourir de faim ?» Ou non, vous insistez, Isabelle von Weltzinsloven, sur le contexte. Le contexte est essentiel. Et Clément Collard, je me tourne vers vous. Dans cette idée que les personnes victimes de handicap peuvent ou non être réinsérées dans la société, durant l'entre-deux-guerres, est-ce que vous percevez, vous aussi, ces questions de mise à l'écart et voire de non-nécessité de ces personnes-là pour la société ? Alors, plutôt, la réponse serait plutôt non, dans la mesure où justement ce qui se joue autour du traitement qui est réservé aux mutilés de la Première Guerre mondiale, c'est bien une rupture de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a des expressions qui demeurent et qui caractérisent plutôt les mutilés au début du processus. On va parler de déchets humains, de non-valeur, donc des termes qui sont assez forts. Mais justement pour souligner que du fait de la rééducation professionnelle, de tout ce qui a été mis en place pendant et à la suite de la Première Guerre mondiale, On essaye de juguler cet état, et dès 1916-1917, c'est-à-dire les années où sont véritablement pensées la possibilité de la réintégration au travail des mutilés de guerre, les grands scientifiques de l'époque qui s'intéressent à ces questions, je pense par exemple à un physiologue comme Paul Amar, établit des chiffres selon lesquels 80% environ des mutilés de guerre seraient en capacité d'être réintégrés au travail. Oui, et cela est essentiel de citer les gens, les personnes. Il y a des figures dans ces interrogations-là. Et notamment, il y a la figure d'Alexis Carrel. Isabelle von Buelzingsleven, Alexis Carrel, vous pouvez nous le présenter ? Alors, Alexis Carrel, je peux vous dire comment il a été présenté. Et il a souvent été présenté comme l'idéologue du régime de Vichy. Je pense que c'est une erreur. Alors, bien entendu, il a un lien avec le courant eugéniste. Il a créé pendant la guerre la Fondation Fondation des problèmes humains, qui a développé des théories eugénistes. Mais de là à dire que ces théories ont imprégné le régime de Vichy, il y a vraiment un grand pas. Oui, sa proximité avec le maréchal Pétain a joué contre sa figure, une figure extrêmement sombre, il est certain, d'Alexis Carrel. Mais la réflexion se porte évidemment sur ce qui se passe au même moment en Allemagne. Isabelle von Buelzingsloven, quel est ce programme allemand ? Il y a un programme d'élimination, disons-le simplement, des personnes handicapées. Aucune trace dans les archives montre qu'il y a la volonté de faire la même chose en France. Non. Alors évidemment, pour ce qui est de l'action T4 qui démarre dès 1939, qui fait 70 000 victimes et qui est ensuite relayée par toute une série d'autres actions de mise à mort, on a énormément d'archives. Bien que si vous vous souvenez bien, c'était une opération secrète. Mais malgré tout, les historiens ont retrouvé énormément de sources pour documenter ces opérations. Alors côté français, non, effectivement, on ne trouve absolument rien. Et s'il avait existé une opération de mise à mort comparable avec celle de l'Allemagne, bien entendu, cette opération aurait produit une documentation extrêmement nombreuse. Eh bien, justement, dans le cas allemand, effectivement, il y a le travail des historiens, le travail des historiennes sur les archives. Et puis, ce qui est devenu aujourd'hui une archive est un événement, c'est le procès de Nuremberg. Non, ils n'échapperont pas. À Nuremberg, d'autres criminels... Ils sont venus s'asseoir sur les bancs qui accueillirent pendant de longs mois Göring, Ribbentrop, Streicher et leur sinistre clique. D'autres criminels et certes aussi coupables, car ils ont tué, ils ont torturé... Et ils étaient médecins. La science qu'ils devaient mettre au service des hommes, ils l'ont employée à tuer les hommes. Karl Brandt, ministre de la Santé, qui autorisa les effroyables expériences. Siegfried Andleuser, qui faisait mettre les détenus dans l'eau glaciale jusqu'à leur mort. Hertha Oberhauser, qui infectait les plaies des déportés de Ravensbrück. Tous nient leurs crimes, naturellement. Mais les témoins sont là... Et les médecins maudits des camps de la mort iront rejoindre leur maître. Les actualités françaises en janvier 1947 évoquaient le procès de Nuremberg, Isabelle von Belzingsleven. Comment se construit en fait la position de l'État français, le gouvernement de Pétain, par rapport aux personnes handicapées? Y a-t-il un intérêt ou y a-t-il un désintérêt complet, un désintérêt qui a peut-être produit cette famine? Globalement, sous le régime de Vichy, on ne peut pas dire qu'il existe une politique vis-à-vis des malades psychiatriques ou des handicapés en général. Bon, il faut avoir en tête que la période est très courte et qu'on est vraiment en guerre et qu'il y a une crise alimentaire très très aiguë. Pétain finalement n'a fait que reprendre un certain nombre de mesures qui avait déjà été prise dans les années 30, mais sans grand succès. C'est-à-dire l'idée déjà de soigner les malades mentaux à l'extérieur des malades, à l'extérieur des hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire de les dépister en quelque sorte. Mais tout ça n'a pas été suivi d'effet en réalité. Et la véritable période de réforme n'a eu lieu qu'après la guerre, voire même seulement à partir des années 60. Oui, c'est essentiel de rappeler la chronologie et notamment la durée très courte, en l'occurrence, de ce qui nous intéresse à l'échelle de l'histoire du handicap. Avec, et c'est pour cela qu'il est intéressant d'évoquer le regard sur l'ensemble du XXe siècle et des deux guerres des personnes victimes de handicap. On va prendre un cas, le cas d'une personne qui est décédée lors de cette famine durant la Seconde Guerre mondiale, une personne que nous connaissons bien puisqu'il s'agit d'une artiste, c'est Camille Claudel. 1913. Dans le vieil immeuble du quai de Bourbon, on commence à s'inquiéter, à s'agiter. Trop de mystères entourent ce rez-de-chaussée qui n'ouvre plus ses fenêtres et n'entr'ouvre plus sa porte que pour les sorties rares et furtives d'une sorte de fantôme. Encore est-ce assez pour que les plus curieux aperçoivent l'incroyable désordre et l'invraisemblable saleté qui y règne. Ce lieu pestilentiel dégage des odeurs épouvantables. Il faut intervenir. Camille, inconsciente, se laisse emmener sans mot dire. On l'enferme dans un asile d'aliénés. La voici jetée sans visage, sans âme, sans nom, dans la fosse aux gens déraisonnables. Elle est morte déjà à l'intelligence, à l'art, à la foi, à l'espérance, mais elle respire encore, elle mange, elle boit, elle dort, elle n'est plus qu'un pauvre animal avec des instincts. Mais elle vit. Et elle durera ainsi, elle dont l'esprit et les mains avaient créé de la vie et de la beauté, elle durera ainsi pendant 30 années encore, jusqu'en 1943. Pauvre Camille, chère et grande Camille Claudel. Le journaliste Henri Asselin, journaliste et critique d'art, en 1956 évoquait la figure de Camille Claudel. Isabelle von Belzingsleven, connaît-on ces personnes qui ont été victimes de cette famine des personnes laissées comme ça complètement pour compte, ce qui est difficile même à concevoir. Nous connaissons Camille Claudel, il y a Séraphine, une peintre aussi, qui a fait aussi l'objet d'un film, comme quoi. Et dites-nous, comment l'historien, l'historienne travaille pour retrouver la trace de ces personnes? Oui, alors effectivement, on a un certain nombre de cas célèbres, hein, et Camille Claudel en fait partie, de même que Séraphine de Senlis, que vous venez d'évoquer. Mais évidemment, la plupart des malades qui sont morts pendant ces années-là sont de parfaits inconnus, même des anti-héros. Alors, on les connaît bien, par chance, parce qu'on exploite une archive, une source, qui est d'un immense intérêt pour les historiens, à savoir les dossiers de patients, donc dossiers administratifs et dossiers médicaux, auxquels on a commencé à accéder il y a une quinzaine ou dizaine d'années, et qui sont devenus vraiment une source fondamentale pour nous, puisque ça nous a permis de retracer des itinéraires de patients, hein, depuis leur entrée à l'hôpital. Mais même, il y a des pièces dans les dossiers qui permettent de comprendre comment ils sont arrivés là. Et puis, en général, on peut les suivre jusqu'à leur mort. Et ça, c'est vraiment fondamental pour nous historiens. Oui, d'avoir ces cheminements, ces trajectoires, ces destins, ces vies, tout simplement. Clément Collard, c'est ce qui vous intéresse aussi dans votre travail sur la rééducation et la réintégration des personnes. Et d'ailleurs, parmi les victimes durant la Seconde Guerre mondiale, il y a les gens que vous étudiez. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à être réhabilités et qui sont mis comme ça dans ces hôpitaux. Oui, oui, bien sûr, effectivement, oui. Mais... Parce que dans la réhabilitation, ceux qui sont considérés comme pouvant aller dans la société et reprendre le travail bénéficient de l'attention du pouvoir pour les autres. Oui, alors ils bénéficient de l'attention du pouvoir et de la société aussi, car ils jouissent d'un statut social plutôt valorisant, qui s'estompe quelque peu dans l'entre-deux-guerres, hein, à mesure que le souvenir de la guerre s'éloigne, évidemment, il y a de moins en moins d'attention, une attention de moins en moins valorisante pour les mutilés de guerre. Et effectivement, pour les autres, là, ils sont beaucoup plus invisibles. Pour l'historien. C'est-à-dire que la posture du héros est essentielle pour saisir combien certaines personnes ont bénéficié, nous parlions du maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, l'ancien combattant est quelqu'un d'important. Cela diffère dans la manière de considérer les personnes en situation de handicap. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que l'accent est mis chez certains acteurs contemporains sur les blessures les plus visibles. Alors, on a notamment des textes d'auteurs nationalistes, quelqu'un comme Maurice Barrès, qui va faire l'éloge de la gueule cassée, de celui qui a reçu une blessure en plein visage et qui pourra l'arborer comme une décoration, en quelque sorte. Et ça, c'est plutôt un moment qui crée une mobilisation émotionnelle pendant la période de la Première Guerre mondiale, mais qui a de moins en moins de force à mesure qu'on avance dans l'entre-deux-guerres. Et si on prend, par exemple, un écrivain assez fameux de l'entre-deux-guerres comme Jean Prévost, il va évoquer les mutilés de guerre comme des héros vaincus, qui suscitent plutôt la pitié, plutôt que ceux qui sont morts au combat et qui, eux, sont traités de manière pure, en quelque sorte, en tant que des héros. Et puis avec ce contraste, dès lors, Isabelle von Wel-Singsleven, du héros de guerre, de l'ancien combattant pendant l'entre-deux-guerres, à cette figure de la personne, de l'aliéné durant la guerre, et vous l'avez bien précisé, en période de privation. Et c'est sans doute là la question essentielle, c'est le problème du ravitaillement. Oui, effectivement. Donc, les malades des hôpitaux psychiatriques ont été traités comme tous les Français, c'est-à-dire qu'on leur a appliqué le système du rationnement alimentaire, hein, qu'on connaît bien, avec les catégories A, V, T, etc., J3. Mais le problème, c'est que ce système de rationnement ne suffisait pas à nourrir les aliénés, de même qu'il ne suffisait pas à nourrir l'ensemble des Français. Donc en fait, les Français cherchaient des calories supplémentaires, soit au marché libre, soit au marché rose, au marché gris, au marché noir pour les plus riches. Et ces calories supplémentaires n'étaient pas accessibles aux malades des hôpitaux psychiatriques qui étaient enfermés. Et c'est de là que provient ce décalage, hein, que les psychiatres ont dénoncé publiquement à plusieurs reprises. Et bien justement, avant d'obtenir que des rations supplémentaires. Écoutons-les, ces médecins, parce qu'il y a une véritable question, c'est comment ont réagi tous ceux qui devaient s'occuper de ces malades. Nous, médecins chargés de combattre tout ce qui peut mettre en danger l'existence de nos malades, nous assistons impuissants à cette misère. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où les aliénés étaient considérés comme des malfaiteurs ou des possédés du démon. Donc voilà, on comprend aussi toute la détresse de ces médecins hein, qui sont là pour soigner et puis qui se contentent finalement d'observer les gens qui meurent de faim, les gens qu'on leur a confiés. Là, vous avez le directeur, il dit « À partir de l'hiver 40-41, tout malade homme présentant des signes de carence et devant se contenter de la ration normale attribuée à chaque aliéné par le ravitaillement était à peu près sûrement condamné à disparaître à plus ou moins brève échéance. » Et l'administration, sous la forme du ravitaillement général, eh bien, elle a une réponse qui est sourde et aveugle et qui est une réponse uniquement comptable et qui refuse de voir la souffrance humaine derrière. Un extrait du documentaire « L'hécatombe des fous » d'Élise Rouard, un documentaire de 2017 avec le même titre que votre ouvrage, Isabelle von Buelzing-Sloven, « L'hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques sous l'occupation », publié chez Aubier et puis après chez Flammarion. Dites-nous, les médecins ont tenté de faire cesser ce drame, cette famine? Oui, alors je pense qu'il y a eu plusieurs catégories de médecins. C'est-à-dire que quand un médecin arrivait dans un hôpital psychiatrique qui avait plus de 1000 lits, voire même 5000 lits, comme c'était le cas de celui de Clermont-d'Oise, il ne pouvait effectivement que se résigner à regarder leur malade mourir. Mais dans des hôpitaux plus petits ou situés dans des zones rurales, ou situés dans l'ouest de la France, où les pénuries étaient moins sévères, ils se sont vraiment battus pour nourrir leurs malades. Et puis, collectivement, ils ont entamé un combat dès 1941 qui a abouti à cette fameuse circulaire du 4 décembre 42. ils se sont battus collectivement avec les outils qu'ils avaient, c'est-à-dire la société médico-psychologique, qui était une société savante, et surtout lors du congrès des aliénistes français, qui est le seul qui a eu lieu pendant la guerre, en octobre 1942. Oui, une réaction extrêmement contrastée, des réactions même, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce qui se passe dans ces hôpitaux, avec toute une question donc de l'extermination qui, selon vous, Isabelle von Buelzing-Sloven, est plutôt une question historiographique, au sens où c'est un débat qui dépasse le moment même et qui ne correspond pas à ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas donc cette volonté gouvernementale, et c'est en cela que le cas français est difficilement comparable à ce qui se passe au même moment en Allemagne. Oui, je pense qu'il est difficilement comparable que de taxer d'extermination ce qui s'est passé dans les hôpitaux psychiatriques français sous les hôpitaux, ça revient à relativiser l'extermination qui a réellement eu lieu en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, en Pologne, en URSS, etc. Donc ça, c'est effectivement un problème qui s'est posé à moi dès le début de l'enquête, dans la mesure où le sujet était extrêmement polémique au moment où j'ai commencé à travailler sur cette question. Oui, parce que cette polémique est quelque chose qui a pris, c'est vrai, pas une ampleur démesurée, vu que le sujet est resté longtemps quelque chose mis de côté. Mais quand l'idée d'une extermination possible, défendue par certains, a surgi, c'est vrai qu'il y a eu tout un débat. Et puis, il faut rappeler quand même la volonté de certains de porter ne serait-ce que cette histoire au-delà de la polémique. Je pense à Charles Gardou, l'anthropologue, qui a travaillé pour que cette histoire soit connue. Oui, alors Charles Gardou, lui, est intervenu un peu plus tard. Hein. La polémique, elle a surtout éclaté dans les années 80. Et ensuite, elle a rebondi au début des années 2000, c'est-à-dire au moment où moi j'ai commencé à travailler sur cette question-là. Donc, il y a eu. Charles Gardou, lui, est intervenu plutôt dans les années 2010, au moment où la polémique commençait vraiment à se calmer. Et ce qui a permis d'ailleurs qu'il y ait cette inscription sur le parvis des droits de l'homme, hein, avec le président François Hollande, cette inscription donc qui évoque les victimes de la guerre, et avec les 300 000 victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale et les 45 000 fragilisées par la maladie mentale ou le handicap. Une question, je ne sais pas si elle est complexe, Clément Collard, mais sur le temps long, nous évoquons beaucoup ce moment Seconde Guerre mondiale et ce drame, ces 45 000 personnes qui ont été abandonnées, qui sont mortes de faim. La guerre a, je parle de la Première Guerre mondiale, a fait évoluer le regard sur la personne handicapée. C'est ce que vous constatez en travaillant justement sur cette rééducation, cette réintégration. Oui, effectivement, c'est vraiment un moment, même si toujours un terme un peu galvaudé en histoire, mais c'est un moment pionnier du point de vue de la prise en charge de l'invalidité, qui a une certaine postérité. Et ça, on le voit notamment dans l'histoire législative, c'est-à-dire que les processus de politique publique qui sont mis en place à destination des mutilés de guerre ont vocation, c'est dit d'ailleurs par certains auteurs qui le pensent, dès alors même que la guerre n'est pas encore terminée. Il est clairement exprimé par certains médecins, certains scientifiques, certains politiques. Ce que nous sommes en train de construire à destination des mutilés de guerre a vocation à être étendu aux accidentés du travail, aux infirmes civils, et ce qui est le cas. Si on prend l'exemple de la rééducation professionnelle, en 1918, elle devient un droit pour tous les mutilés de guerre. Et dès 1924, les autres types d'invalides ont le droit de rentrer dans les écoles de rééducation professionnelle. Et en 1930, cette possibilité leur est même offerte gratuitement. Et c'est la même chose pour les mécanismes qui ont vocation à assurer la réintégration professionnelle des mutilés. Notamment, il y a une loi de 1924 qui est fondamentale, puisqu'elle oblige les employeurs, donc des entreprises de plus de 10 salariés, c'est la loi sur l'emploi obligatoire des mutilés, à embaucher 10% de mutilés de guerre dans leurs effectifs. Et on le sait, c'est une mesure qui, après la Seconde Guerre mondiale, sera étendue à l'ensemble des handicaps, notamment dans la loi de 1957 qui crée le statut de travailleur handicapé et qui inclut lui aussi, elle aussi, ce quota d'embauche par les entreprises de personnes handicapées. Et justement, la réflexion après la Première Guerre mondiale sur comment faire avec toutes ces personnes victimes de handicap se retrouve, mais c'est logique, après la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes qui sautent comme des athlètes sont de grands mutilés. Des admirables appareils et une technique savante de rééducation peuvent leur rendre aujourd'hui une facilité de mouvement inespérée. Les premiers exercices sont pénibles, mais bientôt le blessé s'accoutume. Il a réappris à marcher. On ne fera jamais assez pour ceux que la guerre a diminués dans leur force. Déjà, de grands progrès ont été réalisés. Le courage de ces hommes qui veulent retrouver une vie normale est récompensé quand de tels centres de rééducation leur offrent toutes les ressources modernes qui permettent d'atténuer leur mal. En 1945, dans les actualités françaises, il est question du centre de rééducation pour les mutilés de guerre. Isabelle von Welsingsloven, est-ce que nous retrouvons ici cette idée qu'il y a un handicapé qu'il faut aider? Nous sommes avec les mutilés de guerre. Et puis, il y a ceux que l'on oublie en fait vite. Ce sont, ce qu'on disait, les handicapés mentaux qui ont été laissés comme ça à l'abandon. Y pense-t-on ensuite? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la prise en compte du handicap mental? Oui, moi je pense que oui, même si les choses ont été assez lentes à se mettre en place. Mais on constate à partir de 1945 que les psychiatres, disons les plus progressistes, qui sont soit communistes, soit chrétiens de gauche, se mobilisent véritablement pour que les malades mentaux soient réintégrés dans la société et qu'on reconnaisse qu'ils y ont leur place. Et on se rend compte dès l'après-guerre, quand on regarde un petit peu les statistiques des hôpitaux psychiatriques, qu'il y a un turnover beaucoup plus important des malades, c'est-à-dire plus d'entrées, plus de sorties, c'est-à-dire que les gens ne restent plus. Alors, ce n'est pas le cas de tous, hein, mais ne reste plus, a priori, des décennies à l'hôpital psychiatrique et que l'hôpital psychiatrique n'est pas censé être le lieu où ils vont mourir. Oui, et ça fait écho un peu à nos réflexions du moment, parce que quand nous entendons ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour ces victimes de handicap, eh bien, on se dit qu'il y avait presque le choix de se dire bon, allez, c'est un moindre mal. Est-ce que c'est un peu ça le choix qui a été fait, Isabelle von Welting-Sloven? C'est assez difficile, je pense, de répondre à cette question. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait un argument économique. Ces malades ne servaient à rien, hein, ils ne produisaient rien. Il y avait un argument eugéniste, c'est-à-dire que ces malades, finalement, étaient inutiles à l'espèce humaine, à ce qu'on disait, ce qu'on appelait les non-valeurs sociales. Et puis il y avait l'argument humaniste, et cet argument humaniste disait que tout membre de la société doit être considéré de la même façon. Et cet argument humaniste, finalement, il l'a emporté sur les deux autres, et peut-être de justesse. Et peut-être de justesse, tout tient à ce peut-être de justesse, parce que Clément Collard, quand vous nous expliquez un peu l'attention qui est accordée aux personnes victimes de la guerre, il est évident que ce sont les héros de guerre, au sens où ce sont les mutilés de guerre. Mais par effet générationnel, peu à peu, ils sont oubliés, ces héros de guerre, et puis ils disparaissent. Aujourd'hui, il n'y en a plus de mutilés de la guerre. Est-ce que l'évolution aussi du regard porte sur ces personnes, sur qui est victime du handicap, avec pourquoi sont-ils handicapés? Est-ce que l'on retrouve sans cesse ce que vous étudiez donc après la Première Guerre mondiale, qui perdure encore durant tout le XXe siècle? Alors effectivement, il y a une focalisation sur la cause du handicap, d'où ce terme justement de mutilé, d'où le terme de mutilé de guerre, et qui va même irradier en quelque sorte les autres invalides, si bien que dans l'entre-deux-guerres, pour désigner les personnes qui sont victimes d'accidents du travail, on va évoquer le terme de mutilé du travail. Et donc là aussi, même si c'est beaucoup moins important que pour la guerre, il y a une forme, je dirais, de noblesse dans la cause de l'invalidité qui est soulignée. Et on distingue les accidentés du travail de ce qu'on appelle les infirmes congénitaux, donc ceux qui sont nés avec un handicap. Donc effectivement, il y a une focalisation particulière sur une cause qui est valorisante. En ce qui concerne le plus long XXe siècle, je serais moins affirmatif. Oui, parce que évidemment le contexte change tellement qu'il est difficile de comparer. Isabelle von Welting-Sloven, la question se pose de nos jours encore, parce que nous évoquons dans l'actualité les EHPAD en période de pandémie. Il y a toutes ces réflexions. Je ne dis pas que la situation est comparable, évidemment, mais il y a ces réflexions sur l'humain, sur la notion de priorité. Vous les identifier encore aujourd'hui dans l'actualité? Oui, bien entendu. Donc, pour ce qui concerne les malades mentaux, on a bien repéré au moment de la canicule de 2003, qui a été vraiment un événement qui a permis une prise de conscience. Les malades mentaux sont davantage morts, y compris lorsqu'ils étaient en dehors, et surtout même lorsqu'ils étaient en dehors de l'hôpital psychiatrique, par exemple dans des appartements thérapeutiques, où là, personne ne se préoccupait beaucoup d'eux, et donc ils ont été au nombre des victimes. Actuellement, dans le cadre de l'épidémie de Covid, dont on ne peut pas ne pas parler, on sait aussi que les malades mentaux sont beaucoup plus susceptibles, effectivement, d'attraper le Covid que les autres, parce qu'ils n'ont pas forcément la faculté de se protéger et de respecter ces fameuses mesures barrières, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup de comorbidité, comme on dit aujourd'hui. Voilà, on comprend vraiment le sens de personnes fragiles. Vous venez de l'évoquer pour les personnes en fragilité face à la pandémie, comme certaines l'ont été pendant la Seconde Guerre mondiale face, eh bien, au manque de nourriture, tout simplement. Il faut être malin, aider parfois pour trouver de la nourriture. L'importance de la solidarité. Merci beaucoup Isabelle von Buell-Zingsloven. Je rappelle l'hécatombe des fous, la famine dans les hôpitaux psychiatriques sous l'occupation. Et merci Clément Collard. Finissez de rédiger votre thèse, on est impatient de la lire. Merci à vous deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, des historiens sur le banc des accusés en Pologne. C'est un procès en diffamation qui se déroule cette semaine en Pologne. Filomena Leszczyńska proteste contre la mention dans un livre d'histoire de son ancêtre, Edward Malinowski, maire de Malinowo au nord-est du pays pendant l'occupation allemande. Sur le banc des accusés, Barbara Engelking et Jan Grabowski auraient impliqué sans preuve son parent dans un massacre de juifs dans l'ouvrage « Plus loin, c'est encore la nuit » qui aborde la question douloureuse des complicités polonaises dans l'entreprise d'extermination des juifs d'Europe décidée par le Troisième Reich. Derrière cette accusation, c'est aussi une politique d'État qui apparaît. Cette histoire polonaise est au centre de nombreux incidents internationaux, avec une loi votée en 2018 qui voulait condamner toutes celles et ceux qui impliqueraient la responsabilité ou la co-responsabilité de la nation ou de l'État polonais pour les crimes commis par le Troisième Reich allemand. Quiconque accuse la Pologne de crimes allemands nazis sera passible d'une condamnation allant jusqu'à 3 ans de prison. Israël avait alors accusé la Pologne de vouloir changer l'histoire. À titre d'exemple, le terme « camp de la mort polonais » devait être proscrit sous peine de 3 ans d'emprisonnement. La vivacité de la réaction internationale avait eu raison des sanctions pénales prévues par le texte. Les associations et les institutions consacrées à l'histoire et à la mémoire de la Shoah protestent aujourd'hui contre ce procès en cours et une lettre mise en ligne sur le site du musée Pauline de Varsovie dénonce la censure induite par les actions en justice de cette nature. Le gouvernement avait déjà soulevé de nombreuses protestations lorsqu'il avait voulu retirer l'ordre du mérite à l'historien Jan Gross après la publication de son ouvrage « Les voisins ». Les autorités polonaises se défendent de vouloir porter atteinte à la liberté de la recherche scientifique, mais affirment leur volonté de vigilance dans le traitement de l'histoire polonaise de la Deuxième Guerre mondiale. Une vigilance punitive très critiquée, dont s'emparent maintenant les descendants des Polonais incriminés par les recherches les plus récentes. Barbara Engelking, citée par l'Obs, prévient que l'objectif de ce genre de procès est de remettre en cause la crédibilité et la compétence des personnes accusées et de provoquer un effet dissuasif, en l'occurrence décourager d'autres chercheurs à chercher à connaître et à écrire la vérité sur l'Holocauste en Pologne. Loin d'un processus serein pour faire avancer la recherche sur les implications de certains Polonais dans l'entreprise d'extermination nazie, l'affrontement se déroule en ce moment dans les tribunaux de justice. Merci beaucoup Anaïs Quien. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, le cours de l'histoire s'intéresse au handicap. Le handicap, une histoire. Et demain, soulager et appareiller les corps. Que dit l'archéologie ? Regard passionnant toujours de l'archéologue sur nos sujets. À demain.